Livre quatrième. Javert déraillé. Chapitre 1. Javert déraillé. Des Misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Javert s'était éloigné à pas lents de la rue de l'Homme armé. Il marchait la tête baissée pour la première fois de sa vie. Et pour la première fois de sa vie également, les mains derrière le dos. Jusqu'à ce jour, Javert n'avait pris dans les deux attitudes de Napoléon que celle qui exprime la résolution, les bras croisés sur la poitrine, celle qui exprime l'incertitude, les mains derrière le dos, lui était inconnue. Maintenant, un changement s'était fait. Toute sa personne, lente et sombre, était empreinte d'anxiété. Il s'enfonça dans les rues silencieuses. Cependant, il suivait une direction. Il coupa par le plus court vers la Seine, gagna le quai des Ormes, longea le quai, dépassa la Grève et s'arrêta à quelque distance du poste de la place du Châtelet à l'angle du pont Notre-Dame. La Seine fait là entre le pont Notre-Dame et le pont au Change d'une part, et d'autre part entre le quai de la Mégisserie et le quai aux Fleurs, une sorte de lac carré traversé par un rapide. Ce point de la Seine est redouté des mariniers. Rien n'est plus dangereux que ce rapide, resserré à cette époque et irrité par les pilotis du moulin du pont, aujourd'hui démoli. Les deux ponts, si voisins l'un de l'autre, augmentent le péril. L'eau se hâte formidablement sous les arches. Elle y roule de larges plis terribles. Elle s'y accumule et s'y entasse. Le flot fait effort aux piles des ponts comme pour les arracher avec de grosses cordes liquides. Les hommes qui tombent là ne reparaissent pas. Les meilleurs nageurs s'y noient. Javert appuya ses deux coudes sur le parapet, son menton dans ses deux mains. Et pendant que ses ongles se crispaient machinalement dans l'épaisseur de ses favoris, il songea. Une nouveauté, une révolution, une catastrophe venait de se passer au fond de lui-même. Et il y avait de quoi s'examiner. Javert souffrait affreusement. Depuis quelques heures, Javert avait cessé d'être simple. Il était troublé. Ce cerveau, si limpide dans sa cécité, avait perdu sa transparence. Il y avait un nuage dans ce cristal. Javert sentait dans sa conscience le devoir se dédoubler. Il ne pouvait se le dissimuler. Quand il avait rencontré si inopinément Jean Valjean sur la berge de la Seine, il y avait eu en lui quelque chose du loup qui ressaisit sa proie et du chien qui retrouve son maître. Il voyait devant lui deux routes également droites toutes deux, mais il en voyait deux. Et cela le terrifiait, lui qui n'avait jamais connu dans sa vie qu'une ligne droite. Et, angoisse poignante, ces deux routes étaient contraires. L'une de ces deux lignes droites excluait l'autre. Laquelle des deux était la vraie? Sa situation était inexprimable. Devoir la vie à un malfaiteur, accepter cette dette et la rembourser, être, en dépit de soi-même, de plein pied avec un repris de justice, et lui payer un service avec un autre service, se laisser dire « va-t'en » et lui dire à son tour « sois libre ». Sacrifier à des motifs personnels le devoir, cette obligation générale, et sentir dans ces motifs personnels quelque chose de général aussi, et de supérieur peut-être, trahir la société pour rester fidèle à sa conscience, que toutes ces absurdités se réalisassent et qu'elles vinssent s'accumuler sur lui-même, c'est ce dont il était atterré. Une chose l'avait étonné, c'était que Jean Valjean lui eût fait grâce et une chose l'avait pétrifié, c'était que lui, Javert, il eût fait grâce à Jean Valjean. Où en était-il? Il se cherchait et ne se trouvait plus. Que faire maintenant? Livrer Jean Valjean, c'était mal. Laisser Jean Valjean libre, c'était mal. Dans le premier cas, l'homme de l'autorité tombait plus bas que l'homme du bagne. Dans le second, un forçat monta plus haut que la loi et mettait le pied dessus. Dans les deux cas, déshonneur pour lui, Javert. Dans tous les partis qu'on pouvait prendre, il y avait de la chute. la destinée à de certaines extrémités à pic sur l'impossible, et au-delà desquelles la vie n'est plus qu'un précipice. Javert était à une de ces extrémités-là. Une de ses anxiétés, c'était d'être contraint de penser. La violence même de toutes ces émotions contradictoires l'y obligeait. La pensée, chose inusitée pour lui, est singulièrement douloureuse. Il y a toujours dans la pensée une certaine quantité de rébellion intérieure, et il s'irritait d'avoir cela en lui. La pensée, sur n'importe quel sujet en dehors du cercle étroit de ses fonctions, eût été pour lui, dans tous les cas, une inutilité et une fatigue. Mais la pensée sur la journée qui venait de s'écouler était une torture. Il fallait bien cependant regarder dans sa conscience après de telles secousses et se rendre compte de soi-même à soi-même. Ce qu'il venait de faire lui donnait le frisson. Il avait, lui, Javert, trouvé bon de décider, contre tous les règlements de police, contre toute l'organisation sociale et judiciaire, contre le code tout entier, une mise en liberté. Cela lui avait convenu. Il avait substitué ses propres affaires aux affaires publiques. N'était-ce pas inqualifiable? Chaque fois qu'il se mettait en face de cette action sans nom qu'il avait commise, il tremblait de la tête aux pieds. À quoi se résoudre? Une seule ressource lui restait. Retourner en hâte rue de l'Homme-Armé et faire écrouer Jean Valjean. Il était clair que c'était cela qu'il fallait faire. Il ne pouvait. Quelque chose lui barrait le chemin de ce côté-là. Quelque chose. Quoi? Est-ce qu'il y a au monde autre chose que les tribunaux, les sentences exécutoires, la police et l'autorité? Javert était bouleversé. Un galérien sacré? Un forçat imprenable à la justice? Et cela par le fait de Javert? Que Javert et Jean Valjean, l'homme fait pour sévir, l'homme fait pour subir, que ces deux hommes, qui étaient l'un et l'autre la chose de la loi, en fussent venus à ce point de se mettre tous les deux au-dessus de la loi, est-ce que ce n'était pas effrayant? Quoi donc? De telles énormités arriveraient et personne ne serait puni. Jean Valjean, plus fort que l'ordre social tout entier, serait libre, et lui, Javert, continuerait de manger le pain du gouvernement. Sa rêverie devenait peu à peu terrible. Il eût pu, à travers cette rêverie, se faire encore quelques reproches au sujet de l'insurgé rapporté rue des Filles du Calvaire. Mais il n'y songeait pas. La faute moindre se perdait dans la plus grande. D'ailleurs, cet insurgé était évidemment un homme mort, et légalement, la mort éteint la poursuite. Jean Valjean, c'était là le poids qu'il avait sur l'esprit. Jean Valjean le déconcertait. Tous les axiomes qui avaient été les points d'appui de toute sa vie s'écroulaient devant cet homme. La générosité de Jean Valjean envers lui, Javert, l'accablait. D'autres faits qu'il se rappelait et qu'il avait autrefois traités de mensonges et de folies lui revenaient maintenant comme des réalités. Monsieur Madeleine reparaissait derrière Jean Valjean, et les deux figures se superposaient de façon à n'en plus faire qu'une, qui était vénérable. Javert sentait que quelque chose d'horrible pénétrait dans son âme, l'admiration pour un forçat, le respect d'un galérien, est-ce que c'est possible? Il en frémissait et ne pouvait s'y soustraire. Il avait beau se débattre, il était réduit à confesser dans son fort intérieur la sublimité de ce misérable. Cela était odieux. Un malfaiteur bienfaisant, un forçat compatissant, doux, secourable, clément, rendant le bien pour le mal, rendant le pardon pour la haine, préférant la pitié à la vengeance, aimant mieux se perdre que de perdre son ennemi, sauvant celui qui l'a frappé, agenouillé sur le haut de la vertu, plus voisin de l'ange que de l'homme. Javert était contraint de s'avouer que ce monstre existait. Cela ne pouvait durer ainsi. Certes, et nous y insistons, il ne s'était pas rendu sans résistance à ce monstre, à cet ange infâme, à ce héros hideux, dont il était presque aussi indigné que stupéfait. 20 fois, quand il était dans cette voiture face à face avec Jean Valjean, le titre légal avait rugi en lui. 20 fois, il avait été tenté de se jeter sur Jean Valjean, de le saisir et de le dévorer, c'est-à-dire de l'arrêter. Quoi de plus simple, en effet? Crier au premier poste devant lequel on passe. Voilà un repris de justice en rupture de banc, appeler les gendarmes et leur dire « Cet homme est pour vous ». Ensuite s'en aller, laisser là ce damné, ignorer le reste et ne plus se mêler de rien. Cet homme est à jamais le prisonnier de la loi. La loi en fera ce qu'elle voudra. Quoi de plus juste? Javert s'était dit tout cela. Il avait voulu passer outre, agir, appréhender l'homme, et, alors comme à présent, il n'avait pas pu. Et chaque fois que sa main s'était convulsivement levée vers le collet de Jean Valjean, sa main, comme sous un poids énorme, était retombée, et il avait entendu au fond de sa pensée une voix, une étrange voix qui lui criait « C'est bien, livre ton sauveur. Ensuite, fais apporter la cuvette de Ponce-Pilate et lave-toi les griffes. » Puis sa réflexion tombait sur lui-même, et à côté de Jean Valjean grandi, il se voyait, lui, Javert, dégradé. Un forçat était son bienfaiteur. Mais aussi pourquoi avait-il permis à cet homme de le laisser vivre? Il avait dans cette barricade le droit d'être tué. Il aurait dû user de ce droit. Appeler les autres insurgés à son secours contre Jean Valjean, se faire fusiller de force, cela valait mieux. Sa suprême angoisse, c'était la disparition de la certitude. Il se sentait déraciné. Le code n'était plus qu'un tronçon dans sa main. Il avait affaire à des scrupules d'une espèce inconnue. Il se faisait en lui une révélation sentimentale, entièrement distincte de l'affirmation légale, son unique mesure jusqu'alors. Rester dans l'ancienne honnêteté, cela ne suffisait plus. Tout un ordre de faits inattendus surgissait et le subjuguait. Tout un monde nouveau apparaissait à son âme, le bienfait accepté et rendu, le dévouement, la miséricorde, l'indulgence, les violences faites par la pitié à l'austérité, l'acception des personnes, plus de condamnation définitive, plus de damnation, la possibilité d'une larme dans l'œil de la loi. On ne sait quelle justice selon Dieu allant en sens inverse de la justice selon les hommes. Il apercevait dans les ténèbres l'effrayant lever d'un soleil moral inconnu. Il en avait l'horreur et l'éblouissement. Hibou forcé à des regards d'aigle. Il se disait que c'était donc vrai, qu'il y avait des exceptions, que l'autorité pouvait être décontenancée, que la règle pouvait rester courte devant un fait, que tout ne s'encadrait pas dans le texte du code, que l'imprévu se faisait obéir, que la vertu d'un forçat pouvait tendre un piège à la vertu d'un fonctionnaire, que le monstrueux pouvait être divin, que la destinée avait de ces embuscades-là, et il songeait avec désespoir que lui-même n'avait pas été à l'abri d'une surprise. Il était forcé de reconnaître que la bonté existait. Ce forçat avait été bon. Et lui-même, chose inouïe, il venait d'être bon. Donc, il se dépravait. Il se trouvait lâche. Il se faisait horreur. L'idéal pour Javert, ce n'était pas d'être humain, d'être grand, d'être sublime, c'était d'être irréprochable. Or, il venait de faillir. Comment en était-il arrivé là? Comment tout cela s'était-il passé? Il n'aurait pu se le dire à lui-même. Il prenait sa tête entre ses deux mains, mais il avait beau faire, il ne parvenait pas à se l'expliquer. Il avait certainement toujours eu l'intention de remettre Jean Valjean à la loi, dont Jean Valjean était le captif et dont lui, Javert, était l'esclave. Il ne s'était pas avoué un seul instant, pendant qu'il le tenait, qu'il eut la pensée de le laisser aller. C'était en quelque sorte à son insu que sa main s'était ouverte et l'avait lâché. Toutes sortes de nouveautés énigmatiques s'entr'ouvraient devant ses yeux. Il s'adressait des questions et il se faisait des réponses, et ses réponses l'effrayaient. Il se demandait, ce forçat, ce désespéré que j'ai poursuivi jusqu'à le persécuter et qui m'a eu sous son pied et qui pouvait se venger et qui le devait tout à la fois pour sa rancune et pour sa sécurité, en me laissant la vie, en me faisant grâce, qu'a-t-il fait? Son devoir? Non. Quelque chose de plus. Et moi, en lui faisant grâce à mon tour, qu'ai-je fait? Mon devoir? Non. Quelque chose de plus. Il y a donc quelque chose de plus que le devoir? Ici, il s'effarait. Sa balance se disloquait. L'un des plateaux tombait dans l'abîme. L'autre s'en allait dans le ciel. Et Javert n'avait pas moins d'épouvante de celui qui était en haut que de celui qui est en bas. Sans être le moins du monde ce qu'on appelle voltairien, ou philosophe, ou incrédule, respectueux au contraire, par instinct, pour l'Église établie, il ne la connaissait que comme un fragment auguste de l'ensemble social. L'ordre était son dogme et lui suffisait. Depuis qu'il avait l'âge d'homme et de fonctionnaire, il mettait dans la police à peu près toute sa religion. Étant, et nous appuyons ici les mots sans la moindre ironie et dans leur acception la plus sérieuse, étant, nous l'avons dit, espion comme on est prêtre. Il avait un supérieur, M. Gisquet. Il n'avait guère songé jusqu'à ce jour à cet autre supérieur, Dieu. Ce chef nouveau, Dieu, il le sentait inopinément et en était troublé. Il était désorienté de cette présence inattendue. Il ne savait que faire de ce supérieur-là, lui qui n'ignorait pas que le subordonné est tenu de se courber toujours, qu'il ne doit ni désobéir, ni blâmer, ni discuter, et que, vis-à-vis d'un supérieur qui l'étonne trop, l'inférieur n'a d'autre ressource que sa démission. Mais comment s'y prendre pour donner sa démission à Dieu? Quoi qu'il en fût, et c'était toujours là qu'il en revenait, un fait pour lui dominait tout, c'est qu'il venait de commettre une infraction épouvantable. Il venait de fermer les yeux sur un condamné récidiviste en rupture de ban. Il venait d'élargir un galérien. Il venait de voler aux lois un homme qui leur appartenait. Il avait fait cela. Il ne se comprenait plus. Il n'était pas sûr d'être lui-même. Les raisons mêmes de son action lui échappaient. Il n'en avait que le vertige. Il avait vécu jusqu'à ce moment de cette foi aveugle qui engendre la probité ténébreuse. Cette foi le quittait. Cette probité lui faisait défaut. Tout ce qu'il avait cru se dissipait. Des vérités dont il ne voulait pas l'obsédaient inexorablement. Il fallait désormais être un autre homme. Il souffrait les étranges douleurs d'une conscience brusquement opérée de la cataracte. Il voyait ce qu'il lui répugnait de voir. Il se sentait vidé, inutile, disloqué de sa vie passée, destitué, dissous. L'autorité était morte en lui. Il n'avait plus de raison d'être. Situation terrible, être ému. Être le granit et douter, être la statue du châtiment fondu tout d'une pièce dans le moule de la loi et s'apercevoir subitement qu'on a sous sa mamelle de bronze quelque chose d'absurde et de désobéissant qui ressemble presque à un cœur. En venir à rendre le bien pour le bien, quoi qu'on se soit dit jusqu'à ce jour que ce bien-là, c'est le mal. Être le chien de garde et lécher, être la glace et fondre, être la tenaille et devenir une main. Se sentir tout à coup des doigts qui s'ouvrent, lâcher prise, chose épouvantable. L'homme projectile ne sachant plus sa route et reculant. Être obligé de s'avouer ceci, l'infaillibilité n'est pas infaillible, il peut y avoir de l'erreur dans le dogme. Tout n'est pas dit quand un code a parlé, la société n'est pas parfaite, l'autorité est compliquée de vacillation. Un craquement dans l'immuable est possible. Les juges sont des hommes. La loi peut se tromper. Les tribunaux peuvent se méprendre, voir une fêlure dans l'immense vitre bleue du firmament. Ce qui se passait dans Javert, c'était le fanpoux d'une conscience rectiligne, la mise hors de voie d'une âme, l'écrasement d'une probité irrésistiblement lancée en ligne droite et se brisant à Dieu. Certes, cela était étrange. Que le chauffeur de l'ordre, que le mécanicien de l'autorité, monté sur l'aveugle cheval de fer à voie rigide, puisse être désarçonné par un coup de lumière, que l'incommutable, le direct, le correct, le géométrique, le passif, le parfait, puisse fléchir, qu'il y ait pour la locomotive un chemin de Damas. Dieu, toujours intérieur à l'homme, et réfractaire, lui, la vraie conscience, à la fausse, défense à l'étincelle de s'éteindre, ordre au rayon de se souvenir du soleil, injonction à l'âme de reconnaître le véritable absolu quand il se confronte avec l'absolu fictif, l'humanité imperdable, le cœur humain inamissible, ce phénomène splendide, le plus beau peut-être de nos prodiges intérieurs, Javert le comprenait-il? Javert le pénétrait-il? Javert s'en rendait-il compte? Évidemment non, mais sous la pression de cet incompréhensible, incontestable, il sentait son crâne s'entrouvrir. Il était moins le transfiguré que la victime de ce prodige. Il le subissait, exaspéré. Il ne voyait dans tout cela qu'une immense difficulté d'être. Il lui semblait que désormais sa respiration était gênée à jamais. Avoir sur sa tête de l'inconnu, il n'était pas accoutumé à cela. Jusqu'ici, tout ce qu'il avait au-dessus de lui avait été pour son regard une surface nette, simple, limpide. Là, rien d'ignoré, ni d'obscur, rien qui ne fût défini, coordonné, enchaîné, précis, exact, circonscrit, limité, fermé. Tout prévu. L'autorité était une chose plane. Aucune chute en elle, aucun vertige devant elle. Javert n'avait jamais vu de l'inconnu qu'en bas. L'irrégulier, l'inattendu, l'ouverture désordonnée du chaos, le glissement possible dans un précipice, c'était là le fait des régions inférieures, des rebelles, des mauvais, des misérables. Maintenant, Javert se renversait en arrière, et il était brusquement effaré par cette apparition inouïe, un gouffre en haut. Quoi donc? On était démantelé de fond en comble, on était déconcerté absolument. À quoi se fier? Ce dont on était convaincu s'effondrait. Quoi? Le défaut de la cuirasse de la société pouvait être trouvé par un misérable magnanime? Quoi? Un honnête serviteur de la loi pouvait se voir tout à coup pris entre deux crimes, le crime de laisser échapper un homme et le crime de l'arrêter? Tout n'était pas certain dans la consigne donnée par l'État aux fonctionnaires. Il pouvait y avoir des impasses dans le devoir. Quoi donc? Tout cela était réel. Était-il vrai qu'un ancien bandit, courbé sous les condamnations, puis se redresser et finir par avoir raison, était-ce croyable? Y avait-il donc des cas où la loi devait se retirer devant le crime transfiguré en balbutiant des excuses? Oui, cela était. Et Javert le voyait. Et Javert le touchait. Et non seulement il ne pouvait le nier, mais il y prenait part. C'était des réalités. Il était abominable que les faits réels puissent arriver à une telle difformité. Si les faits faisaient leur devoir, ils se borneraient à être les preuves de la loi. Les faits, c'est Dieu qui les envoie. L'anarchie allait-elle donc maintenant descendre de là-haut? Ainsi, et dans le grossissement de l'angoisse et dans l'illusion d'optique de la consternation, tout ce qui eût pu restreindre et corriger son impression s'effaçait. Et la société et le genre humain et l'univers se résumaient désormais à ses yeux dans un linéament simple et terrible. Ainsi la pénalité, la chose jugée, la force due à la législation, les arrêts des cours souveraines, la magistrature, le gouvernement, la prévention et la répression, la sagesse officielle, l'infaillibilité légale, le principe d'autorité, tous les dogmes sur lesquels repose la sécurité politique et civile, la souveraineté, la justice, la logique découlant du code, l'absolu social, la vérité publique, tout cela, décombre, monceau, chaos. Lui-même, Javert, le guetteur de l'ordre, l'incorruptibilité au service de la police, la providence dogue de la société, vaincu et terrassé. Et sur toute cette ruine, un homme debout, le bonnet vert sur la tête et l'auréole au front. Voilà à quel bouleversement il en était venu. Voilà la vision effroyable qu'il avait dans l'âme. Que cela fût supportable, non. État violent s'il en fut. Il n'y avait que deux manières d'en sortir. L'une, d'aller résolument à Jean Valjean et de rendre au cachot l'homme du bagne. L'autre... Javert quitta le parapet et la tête haute cette fois se dirigea d'un pas ferme vers le poste indiqué par une lanterne à l'un des coins de la place du Châtelet. Arrivé là, il aperçut par la vitre un sergent de ville et entra. Rien qu'à la façon dont il pousse la porte d'un corps de garde, les hommes de police se reconnaissent entre eux. Javert se nomma, montra sa carte au sergent et s'assit à la table du poste où brûlait une chandelle. Il y avait sur la table une plume, un encrier de plomb et du papier en cas pour les procès-verbaux éventuels et les consignations des rondes de nuit. Cette table, toujours complétée par sa chaise de paille, est une institution. Elle existe dans tous les postes de police. Elle est invariablement ornée d'une soucoupe en buis pleine de sciure de bois et d'une grimace en carton pleine de pain à cacheter rouge, et elle est l'étage inférieur du style officiel. C'est à elle que commence la littérature de l'État. Javert prit la plume et une feuille de papier et se mit à écrire. Voici ce qu'il écrivit. Quelques observations pour le bien du service. Premièrement, je prie monsieur le préfet de jeter les yeux. Deuxièmement, les détenus arrivant de l'instruction ôtent leurs souliers et restent pieds nus sur la dalle pendant qu'on les fouille. Plusieurs toussent en rentrant à la prison. Cela entraîne des dépenses d'infirmerie. Troisièmement, la filature est bonne, avec relais des agents de distance en distance, mais il faudrait que, dans les occasions importantes, deux agents au moins ne se perdissent pas de vue, attendu que, si pour une cause quelconque, un agent vient à faiblir dans le service, l'autre le surveille et le supplée. Quatrièmement, on ne s'explique pas pourquoi le règlement spécial de la prison des Madelonnettes interdit aux prisonniers d'avoir une chaise, même en la payant. Cinquièmement, aux Madelonnettes, il n'y a que deux barreaux à la cantine, ce qui permet à la cantinière de laisser toucher sa main aux détenus. Sixièmement, les détenus, dits aboyeurs, qui appellent les autres détenus au parloir, se font payer 2 sous par le prisonnier pour crier son nom distinctement. C'est un vol. Septièmement, pour un fil courant, on retient 10 sous aux prisonnières dans l'atelier des tisserands. C'est un abus de l'entrepreneur, puisque la toile n'est pas moins bonne. Huitièmement, il est fâcheux que les visitants de la force aient à traverser la cour des mômes pour se rendre au parloir de Sainte-Marie l'Égyptienne. Neuvièmement, il est certain qu'on entend tous les jours des gendarmes raconter dans la cour de la préfecture des interrogatoires de prévenus par les magistrats. Un gendarme, qui devrait être sacré, répéter ce qu'il a entendu dans le cabinet de l'instruction, c'est là un désordre grave. Dixièmement, Madame Henri est une honnête femme, sa cantine est fort propre, mais il est mauvais qu'une femme tienne le guichet de la souricière du secret. Cela n'est pas digne de la conciergerie d'une grande civilisation. Javert écrivit ces lignes de son écriture la plus calme et la plus correcte, n'omettant pas une virgule et faisant fermement crier le papier sous la plume. Au-dessous de la dernière ligne, il signa « Javert, inspecteur de première classe ». Au poste de la place du Châtelet, 7 juin 1832, environ 1 heure du matin. Javert sécha l'encre fraîche sur le papier, le plia comme une lettre, le cacheta, écrivit au dos « Note pour l'administration », le laissa sur la table et sortit du poste. La porte vitrée et grillée retomba derrière lui. Il traversa de nouveau diagonalement la place du Châtelet, regagna le quai et revint avec une précision automatique au point même qu'il avait quitté un quart d'heure auparavant. Il s'y accouda et se retrouva dans la même attitude sur la même dalle du parapet. Il semblait qu'il n'eût pas bougé. L'obscurité était complète. C'était le moment sépulcral qui suit minuit. Un plafond de nuages cachait les étoiles. Le ciel n'était qu'une épaisseur sinistre. Les maisons de la cité n'avaient plus une seule lumière. Personne ne passait. Tout ce qu'on apercevait des rues et des quais était désert. Notre-Dame et les tours du palais de justice semblaient des linéaments de la nuit. Un réverbère rougissait la margelle du quai. Les silhouettes des ponts se déformaient dans la brume les unes derrière les autres. Les pluies avaient grossi la rivière. L'endroit où Javert s'était accoudé était, on s'en souvient, précisément situé au-dessus du rapide de la Seine, à pic sur cette redoutable spirale de tourbillon qui se dénoue et se renoue comme une vis sans fin. Javert pencha la tête et regarda. Tout était noir. On ne distinguait rien. On entendait un bruit d'écume, mais on ne voyait pas la rivière. Par instant, dans cette profondeur vertigineuse, une lueur apparaissait et serpentait vaguement, l'eau ayant cette puissance, dans la nuit la plus complète, de prendre la lumière on ne sait où et de la changer en couleuvre. La lueur s'évanouissait et tout redevenait indistinct. L'immensité semblait ouverte là. Ce qu'on avait au-dessous de soi, ce n'était pas de l'eau, c'était du gouffre. Le mur du quai, abrupt, confus, mêlé à la vapeur, tout de suite dérobé, faisait l'effet d'un escarpement de l'infini. On ne voyait rien, mais on sentait la froideur hostile de l'eau et l'odeur fade des pierres mouillées. Un souffle farouche montait de cet abîme. Le grossissement du fleuve plutôt deviné qu'aperçu, le tragique chuchotement du flot, l'énormité lugubre des arches du pont, la chute imaginable dans ce vide sombre, toute cette ombre était pleine d'horreur. Javert demeura quelques minutes immobile, regardant cette ouverture de ténèbres. Il considéra l'invisible avec une fixité qui ressemblait à de l'attention. L'eau bruissait. Tout à coup, il ôta son chapeau et le posa sur le rebord du quai. Un moment après, une figure haute et noire, que de loin quelque passant attardé eût pu prendre pour un fantôme, apparut debout sur le parapet, se courba vers la Seine, puis se redressa et tomba droite dans les ténèbres. Il y eut un clapotement sourd et l'ombre seule fut dans le secret des convulsions de cette forme obscure disparue sous l'eau. Fin du chapitre 1.